Hernandez, t'es mal à nouvelle caisse. Gucci Air Meguès, je me permets, je suis dans le Mercedes. Ramasse que d'espèces, une grosse quiche épaisse. Disque d'or platine, 36 000 showcase. T'inquiète pas qu'on encaisse, si ça c'est everydays, everydays. Business Emirates, on arrive en direct. Respecte les architectes et le millimètre. Ici la scie sauteuse contrôle le périmètre. En esprit, 5 Uber, hit livrette et y'a toute la beuh. Ouais le S, ils sont derrière nous, ça part en tête à queue. Suspecté comme l'arrière-salle d'un restaurant chinois. C'est que de la magie noire, je l'ai vu dans le miroir. Suspecté comme l'arrière-salle d'un restaurant chinois. C'est que de la magie noire, je l'ai vu dans le miroir. Super Silver A, hey, Super Silver A, hey, Super Silver A, hey, Super Silver A, hey. Oh, c'est que de la magie noire. Oh, c'est que de la magie noire. Super Silver A, hey, Super Silver A, hey, Super Silver A. Oh, c'est que de la magie noire. Oh, c'est que de la magie noire. Super Silver Ace, j'ai très amnésia. Fais passer la pire par Air Malaysia. Sans corps ni demi, je vais jouer la finale. J'connais les gars qui ont financé l'assassinat. Ouais. Minimum 10 millions, sinon t'es pas loin d'être pauvre. Ils m'ont souhaité la mort, là ils sont pas loin d'être chauves. Les armes ne sont rien, poutons sans les munitions. Midi, minuit, les méchants. On est prêt, au charbon y'a des drips. Pour tous les projets, on est frais. On n'a jamais fait, on n'est jamais free. C'est la top, si tu parles chinois, personne te traduit, je fais la note. Les haters sont maigrés, les Yankees ont maigré. Super Silver A, hey, Super Silver A, hey, Super Silver A, hey, Super Silver A, hey. Oh, c'est que de la magie noire. Oh, c'est que de la magie noire. Super Silver A, hey, Super Silver A, hey, Super Silver A, hey, hey. Oh, c'est que de la magie noire. Oh, c'est que de la magie noire.